Et voici les Sport News, première partie des sports. Sport News. Et on commence les Sport News, eh bien, en Ligue 1 et en football, naturellement. Défaite de Lille à Lorient, 1-0. Hier soir, Monaco est bien resté en tête, le LOSC est 17ème. En Ligue 2, vendredi, match nul pour VA qui recevait Ajaccio, un partout. Lens fait également, eh bien, un match nul à Clermont, un partout. Et dans cette émission, vos places à gagner pour le match de mardi soir. Et ce sera face à Orléans, à suivre, bien sûr, dans l'émission des Sport News. En national, eh bien, défaite de Dunkerque à Paris FC, 1-0. Belle victoire de l'USBCO vendredi soir face aux Herbiers, 3-0. Encore un peu de travail, mais bien sûr, on va y arriver. Et puis bien sûr, l'objectif de l'USBCO, on l'espère, sera atteint en fin de championnat. Une belle réussite pour Rémi Dutertre de Boulogne. Oui, c'est une très belle performance, même vu du temps, le terrain, c'était compliqué, il y avait plein de trucs qui jouaient en notre défaveur et on a su, pareil, après on a su jouer et ça s'est très bien passé et 3-0, c'est beau. Qu'est-ce qui donne cette dynamisme justement du bout de championnat dans cette, on va dire, une nouvelle équipe, puisqu'il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés? Je pense que quand on enchaîne les victoires, après tout va bien, il y a le maximum de confiance, donc tout roule quoi. Voilà, Rémi Dutertre, donc, qui est bien joué, hein, c'était vendredi soir au stade de la Libé, toujours. Eh bien, en national, Dunkerque est deuxième, en tête, eh bien, Concarneau, Boulogne est quatrième. Et en CFA, eh bien, match nul, un partout, pour Calais qui recevait Lille. En CFA 2, défaite hier soir de Boulogne B qui recevait Maubeuge, 0-3. Le score est resté vierge pour Grande-Synthe face à Tourcoing, 0-0. Et puis défaite de Marc à Feny, 3-1. Du côté de la division honneur, eh bien, victoire de Saint-Omer. Hier soir, l'USSO, eh bien, recevait BH, 2-1, 2-0 à la mi-temps. Belle réussite en première période pour Saint-Omer, but de Blancard et de Sylvain Willow. Une bonne première période pour Sylvain Willow. Ouais, une bonne première mi-temps de notre part et surtout de l'efficacité, parce que je pense que même sur l'ensemble du match, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a eu deux occasions en première, on a su les mettre au fond. Mais je pense que c'est ce qui fait la différence si on veut essayer de jouer les hauts tableaux. Qu'est-ce qui a fait la différence entre cette première mi-temps et cette deuxième? De 2-0 à la mi-temps pour nous, je pense que c'est normal après que nous on essaye de gérer notre avance au mieux et qu'on essaye de bien défendre avant d'attaquer. Voilà, je pense que c'est logique, la deuxième mi-temps est logique, je pense. Un bon match encore une fois, une belle victoire. Un bon début de saison, c'est ça, un bon début de saison. On fait quand même un nul contre Béthune qui est un favori à la montée, une victoire à Valenciennes qui est aussi favori à la montée, et là on confirme aujourd'hui par une seconde victoire, donc je pense que c'est important pour tout le groupe. Et tout ce qu'il faut naturellement pour une bonne saison. Ouais, exactement, c'est toujours pareil, quand on débute bien on est toujours plus en confiance, hein. L'an dernier on a mal débuté et on a traîné ça toute la saison, cette année on débute bien, donc espérons qu'on joue le tableau au moins. On veut pas s'enflammer, on prend les matchs match après match, on parle pas de montée du tout. Merci Sylvain, bravo à toi. Merci. Pour le but. Ouais, merci, c'est gentil. Merci. Voilà, on l'espère, hein, une belle victoire et ça va continuer, je l'espère, pour Saint-Omer. Donc 2-1 face à BH pour les Audomarois. Aujourd'hui, Hazebrouck, eh bien, reçoit Béthune, Le Touquet reçoit Feny B, Dunkerque B, eh bien, sera face à Saint-Amand, et le Stade Portellois, eh bien, reçoit ce dimanche Valenciennes. Ce sera un beau match. Valenciennes, eh bien, a été battu par les Audomarois. Alors pourquoi pas sur le littoral. L'entraîneur du Portel, eh bien, reste confiant pour la suite et la reprise, bien sûr, de ce championnat. Écoutez, ça va être dur. Ah, c'était l'entraîneur qu'on a retrouvé tout à l'heure du côté du basket. Et puis, sachez qu'en PH, eh bien, Arnec reçoit Villeneuve d'Ascq, Neuchâtel ira à Outreau, le Stade Portellois B, eh bien, ira à Béthune, et la semaine prochaine, eh bien, Coupe de France avec l'entrée de CFA. Avant d'attaquer, eh bien, le championnat en Pro Star, le BCM s'est incliné en finale face à Strasbourg, 90-95. Rendez-vous mardi à 20h au Portel pour les 16e de finale de la Coupe de France. Le Portel, bien sûr, qui reste confiant. Je vous propose de retrouver l'entraîneur. Écoutez, ça va être dur, hein. On a beaucoup souffert au rebond. On a beaucoup souffert dans la raquette. Maintenant, notre intensité, notre jeu de passe a été capable de faire la différence, mais Boulogne va être une équipe qui va jouer le haut tableau et nous qui allons jouer notre survie tous les matchs. Donc il faudra être dans cette intensité-là 40 minutes et chaque week-end. Voilà, on l'espère en tout cas pour la suite du championnat pour le Portel, pour Mohamed Achad de SSM, et sur la très bonne voie. Ça prend du temps, mais je pense que pour l'instant c'est très positif. On a un groupe très bien, très, très soudé, et il y a une bonne cohésion du groupe, et je pense qu'on va en avoir besoin énormément cette année parce que ça ne va pas être toujours facile. Et quand c'est pas facile, on doit être ensemble et on doit rester ensemble durant ces moments durs. Donc je pense que ça reste positif et il faut rester dans cet état d'esprit et rester encore plus soudé parce qu'on va avoir des échéances encore plus dures. Et c'est là où on va montrer le vrai visage de notre équipe. Voilà, je rappelle, un Coupe de France à ne pas rater, donc dans le chaudron du Portel, ce sera mardi soir face à l'équipe du BCM. L'SOMB s'est imposé au premier tour de la Leader Cup à Lille sur le fil, hein, 78-77. Xavier Corosine et Alexandre Moisy ont réussi une bonne maîtrise de cette rencontre. Germain Cassano attend avec impatience le nouveau joueur hollandais pour voir bien sûr la vraie compo de l'équipe de l'SOMB. On n'a pas joué encore une équipe de notre division, donc je suis impatient de rentrer sur les matchs amicaux qui est la Leader Cup. Enfin, c'est pas des matchs amicaux, mais pour nous, oui. Voir un peu pour se jauger un peu, voir si on est sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Parce que là, on a joué que des pro-A et des premières divisions belges, donc je suis impatient pour voir. Oui, il nous manque un joueur. Par contre, nous, ça va être il est important, notre joueur. C'est un international hollandais qui fait des magnifiques qualifications pour le championnat d'Europe, là, statistiquement. Donc, c'est un mec qui a de la création, c'est un mec qui percute. Mais je sais que c'est un garçon qui va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et il fera partie, là, je m'engage un petit peu en disant ça, mais je l'assumerai, il fera partie des bons, de très, très bons joueurs de la Pro-B. Donc, si on arrive à bien intégrer la doublette Teddy Gibson et Worthy de Jong, elle peut faire des dégâts. Et on espère que l'intégration ne prendra pas trop de temps. Donc Germain Cassano, on attend bien sûr la reprise du championnat avec impatience. Aujourd'hui a lieu à Longnes l'Open de Prénat. C'est à 13h30 que Saint-Martin-Boulogne va affronter la SV Lille. Henri Coquet, ce week-end a lieu au Brocus, le tournoi international avant d'attaquer le championnat. De grosses équipes sont présentes, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse et bien sûr la France. Et hier soir, le Skra a battu la Suisse de Diesbach de 2-0. C'était le dernier match hier soir en soirée. Et suite du tournoi ce dimanche, dernière rencontre, 15h15, Düsseldorf Skra. Handball, première journée du championnat pour le HBLM à Neuville-en-Ferrin. Nette victoire de Longnes, 44-20 sans surprise. La semaine prochaine, premier tour de la Coupe de France à domicile face à Grandfort. En aviron, si vous voulez découvrir l'aviron, le club de Boulogne vous donne rendez-vous aujourd'hui au Vital Sport à Saint-Martin-Boulogne sur le parking de Décathlon. Grande-Synthe, un club nordiste également où on voit de grands champions. Et Saint-Omer, le club vous propose durant tout le week-end du mois de septembre les journées portes ouvertes. Ce sera donc chaque week-end. Daniel Ten nous présente la porte ouverte de ce week-end. C'est de faire connaître l'activité en début de saison, d'attirer à la fois des compétiteurs, mais également des loisirs. On peut revenir un peu sur le championnat. Vous allez reprendre le championnat, je pense, avec votre équipe. Qu'est-ce qui va changer par rapport à l'année dernière au niveau de l'aviron ? Alors, cette année, on a un changement important. C'est une réforme fédérale qui crée, nouvelle catégorie J12, J13, J14, où les sexes et les âges vont être mélangés. Et donc, les gens qui participeront à des compétitions dans la Ligue participeront à un challenge, à une journée nationale dans cette catégorie qui se déroulera en fin d'année à Vichy. Et voilà, porte ouverte, je vous rappelle, de l'aviron à Saint-Omer, c'est près de la gare SNCF. En bref, pour terminer, ce week-end, 5000 motos légendaires sont attendues à Ardelot pour l'Opal Harley Days. C'est bien sûr, les possesseurs et amoureux de Harley seront présents. Le Vital Sport de Saint-Martin-Boulogne continue sur le parking de Décathlon et avec une multitude de sports à découvrir. À Outreau, concours de pétanque en doublette, c'est au Mont-Soleil. À l'occasion de la journée du cheval, les centres équestres de Saint-Martin, l'écusson de Blandec, l'écurie de Quartz à Air-sur-la-Lys et les écuries de Merloir, c'est à Rumingem, vous ouvrent leurs portes ce week-end et ce dimanche. Et aujourd'hui a lieu le 70e Grand Prix d'Isberg. À suivre, le Calaisien Steven Tronet. Voilà, pour emporter vos places pour le match Lens-Orléans, c'est mardi soir, 03 21 38 17 17. Vous me donnez le dernier score de l'équipe lensoise. 03 21 38 17 17. On joue ensemble, bien sûr. Et c'est durant 2 heures, tout le temps d'émission. Bon week-end sur Energy. Sport News. Toute l'info sportive du Nord Littoral avec JF. Sport News vous a été présenté par votre agent général AXA Assurance Bertrand d'Ambricourt, place Foch à Saint-Omer. My name is Edward. I play for Saint-Omer Rink Hockey. I am the goalkeeper and every Saturday I listen to NRJ Sport News and I love France. I won't lie to you. I know he's just not right for you.

je pars en voyage. Mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Il est 10h39 minutes. Dans un instant, retour à la musique sur Énergie. Et puis notre prochain invité, eh bien, c'est André Péqueur. Remise des maillots, c'était vendredi soir à la nouvelle brasserie d'Arc. Elle ouvrira dès le début octobre. Ça va couler à flot, à consommer avec modération. On retrouve André Péqueur dans un instant, sponsor officiel. Pourquoi Énergie est toujours votre radio préférée? Parce que Manu à 6h. Je te double ton salaire, Marie. Oh, merci. Tu me mets en forme pour la journée. Parce que Coé à 19h. Mais vous êtes qui, monsieur? Devine qui c'est. T'emmerdes. Oh. Parce que Guillaume à 22h. Moi, je joue au petit bac. Il faut trouver un fruit avec un U. Oh, l'usu, fruit. Parce que tous les hits. Ici. C'est Énergie. Pour rendre visite à ma mère, il me faut un hélicoptère. Alors pour l'anniversaire loto, j'aimerais bien gagner les 13 550 865 euros. Pour les 40 ans de loto, ce vendredi, super loto exceptionnel de 13 550 865 euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Sephora. Vous rêvez d'un teint sans défaut comme au cinéma? Makeup Forever a créé la gamme Ultra HD. Fond de teint, anti-cerne et maintenant un stick pour une couvrance encore plus invisible. Une gamme pro, des plateaux de tournage à votre salle de bain.

Sport News Energy, notre invité du week-end. André Pecker, notre invité ce matin dans les Sport News. André Pecker, bonjour. Bonjour. Alors, tous les ans, on se retrouve. C'est vrai, ça fait plaisir. On ne vieillit pas trop, on est encore jeune et dynamique comme le SCRA. Donc pourquoi on est ici? Parce que le SCRA, on les aide depuis maintenant 4-5 ans. Et c'est tellement une belle équipe d'êtres humains avec les bénévoles, les organisateurs, les joueurs. Donc on a envie de faire participer la société, la brasserie de Saint-Omer, la brasserie Goudal au SCRA. Alors on va parler un peu business. Votre business, c'est la première fois que vous faites l'inauguration des maillots, la présentation des maillots dans de nouveaux locaux. Oui, je suis content parce que finalement le SCRA, on l'aime beaucoup. Et donc c'était l'occasion de faire la première inauguration ici dans ce bâtiment. Bon, il est un peu trop grand parce que c'est un bâtiment qui fait 36 000 mètres carrés, donc il y a un peu de place. Mais voilà, donc on est très content. Et puis c'était un petit signe. Vous aimez le sport. On sait que dans la famille, vous aimez le football. Mais pourquoi le SCRA particulièrement? Pourquoi le rink hockey? Alors le rink hockey, au départ, bon, il y a très très longtemps qu'il y a du rink hockey à Saint-Omer. Mais surtout pour Cédiana qui est venue me casser les pieds, il n'y a pas d'autre mot, pendant quelques temps. Et à force, je me suis dit, bon sang, c'est une organisation qui mérite d'être aidée. Et ça me fait toujours plaisir. Les êtres humains passent pour moi toujours avant tout. Et vous aimez le sport? Oui, ça fait partie, ça détend. Moi, j'aime le SCRA. J'ai mon frère Daniel qui aime le foot, moi aussi, mais plus le foot à la télévision. Donc oui, ça détend. Alors, quelle serait pour vous, justement, la réussite de votre équipe? Parce que c'est un peu votre équipe, maintenant. Complètement. La réussite, ben, il faudra que les gens mouille le maillot et marque des buts, parce que je crois que si on veut vraiment faire plaisir aux spectateurs, il faut marquer des buts. Quand vous entendez au SCRA la vibrer quand ça marque, ça vous remue les tripes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à l'émission. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement pour en tant que vous comme partenaire, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à une équipe? D'être sur le podium? Il faut être sur le podium. Cette année, c'est la rage de vaincre, et puis je crois que la confiance assure la réussite, elle décuple les forces et surmonte tous les obstacles. Donc c'est la rage de vaincre. Rendez-vous au prochain match et au premier match, bien sûr. Et puis, bien sûr, l'année prochaine, on se reverra avec beaucoup de plaisir. Et on fera la même interview. Tout à fait. Merci beaucoup et tout de suite, retour à la musique sur Energy. Salut, c'est Alexis Loret. J'écoute les Sport News sur Energy. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I

thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Merci d'être avec nous, il est 11h. Dans la course avec les Sport News sur Énergie. Et voici les Sport News sur Énergie. Sport News. Et on commence les Sport News eh bien, par du football. En Ligue 1, eh bien, défaite de Lille à Lorient, 1-0. Monaco reste en tête, le LOSC est 17e. En Ligue 2, eh bien, vendredi, match nul pour VA qui recevait Ajaccio et à partout. Lens fait également un match nul à Clermont un partout. Et mardi, eh bien, ils seront au Stade Bollaert devant Orléans. En national, eh bien, défaite de Dunkerque à Paris FC, 1-0. Belle victoire de l'USBCO face aux Herbiers. C'était vendredi soir sur le score de 3-0. C'est une belle performance pour Teddy Thomas de Boulogne. Oui, c'était une très belle performance de l'équipe. Et ça fait surtout plaisir de continuer sur ce rythme parce que ça fait un petit moment qu'on enchaîne les victoires. C'est très bien pour le mental. Début de championnat très très satisfaisant pour Boulogne. Oui, début de championnat très satisfaisant, mais voilà, faut pas s'emballer et faut surtout continuer sur ce rythme et pas baisser justement. Voilà, 3-0, donc c'était au stade de la Libé, c'était vendredi soir, Dunkerque est deuxième, en tête Concarneau et Boulogne est quatrième. En CFA, eh bien, match nul un partout pour Calais qui recevait Lille. En CFA 2, défaite hier soir de Boulogne B qui recevait Maubeuge, 0-3. Encore un peu de travail hein, pour les joueurs de Alexis Loreille. Le score est resté vierge pour Grande-Synthe face à Tourcoing, 0-0. Et puis défaite de Marc en Calaisie à Feny sur le score de 3-1. Toujours en foot et en division. En honneur, et bien victoire de Saint-Omer hier soir. L'USSO recevait Biache 2-1, 2-0 à la mi-temps. Belle réussite en première période pour Saint-Omer, but de Blancard et de Sylvain Willow. Donc 2-1, je vous le disais. C'est une réussite hein, à domicile pour l'entraîneur de Saint-Omer. C'est la première victoire à domicile cette saison et c'est bien de le faire rapidement. Et surtout après avoir été gagné à Valenciennes, comme j'ai dit aux joueurs, ça aurait été dommage d'aller gagner à Valenciennes et puis de ne pas réussir à concrétiser ici. Il y avait du monde au stade, le spectacle n'a pas forcément été celui que j'espérais, mais la victoire est au bout et on ne va pas se gâcher le plaisir. 2-0 en première période, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une première période plus en faveur de l'USSO et la seconde, allez, il y a eu un petit relâchement du côté de Saint-Omer? On va dire qu'il y a eu un relâchement, mais je les avais prévenus à la mi-temps, c'est bien, mais c'est un danger aussi de mener comme ça là, au score à la mi-temps, parce que malgré tout, il y a un petit relâchement. Mais je reste persuadé que avec plus de maîtrise technique à la récupération du ballon, on aurait dû mettre ce troisième but. Et donc forcément, quand on ne le met pas, ben on n'est pas à l'abri de prendre un but. C'est ce qui nous est arrivé. Mais les garçons étaient solidaires, se sont battus les uns pour les autres. Les remplaçants qui sont rentrés ont été très bons, ont fait une bonne rentrée. Donc c'est tout positif pour le groupe. Le ballon qui a bien joué, qui a bien passé dans tous les joueurs. On a bien vu une bonne passe également. Oui, mais aujourd'hui, l'objectif, c'était de dominer le match. Voilà, c'était le maître mot, dominer le match. Et avoir une maîtrise technique qu'on a eue. On a su concrétiser, mais derrière, j'ai mon petit regret, mais sincèrement, je suis très content d'avoir 10 points ce soir, au bout de 3 journées. On va pouvoir dormir tranquille et puis se préparer pour la Coupe de France la semaine prochaine. Ah ouais, Coupe de France la semaine prochaine, les regrets naturellement avec la victoire oubliée. Je vous rappelle le score, donc victoire de Saint-Omer demain devant Biache. Aujourd'hui, Hazebrouck eh bien, reçoit Béthune, le Touquet reçoit Feny B, Dunkerque B sera face à Saint-Amand et le Stade Portellois eh bien, reçoit ce dimanche Valenciennes. Ce sera un beau match donc à 15h au Portel. En PH, Arnec reçoit Villeneuve-d'Ascq, Neuchâtel ira à Outreau, le Stade Portellois B eh bien, ira à Béthune, et puis la semaine prochaine, on le disait, Coupe de France avec l'entrée en lice de la CFA. En basket, eh bien, avant d'attaquer le championnat en ProStar, le BCM s'est incliné en finale face à Strasbourg, 90-95. Rendez-vous mardi 20h au Portel pour les 16e de finale de la Coupe de France. On revient naturellement sur le Portel pour Mohamed Achad, eh bien, le SSC et sur la bonne voie. Ça prend du temps, mais je pense que pour l'instant, c'est très positif. On a un groupe très bien, très, très soudé et il y a une bonne cohésion du groupe et je pense qu'on va en avoir besoin énormément cette année parce que ça ne va pas être toujours facile et quand c'est pas facile, on doit être ensemble et on doit rester ensemble durant ces moments durs. Donc je pense que ça reste positif et il faut rester dans cet état d'esprit et rester encore plus soudé parce qu'on va avoir des échéances encore plus dures et c'est là où on va montrer le vrai visage de notre équipe. Voilà, donc je vous rappelle, la Coupe de France pour le Portel, le SSM eh bien, va démarrer prochainement le championnat, et l'entraîneur de l'SSM eh bien, avoue que le championnat sera quand même compliqué pour son équipe. Ça va être très dur, mais c'est aussi un challenge très excitant, avec des garçons qui ont du cœur, qui ont envie de progresser et qui vont progresser, parce que le bon niveau qu'ils avaient en Pro B l'année dernière ne sera pas suffisant pour être dominateur ou faire jeu égal en Pro A. Donc il va falloir que l'équipe et que chaque joueur progresse pour arriver à gagner nos matchs, quelques matchs, dans ce dur championnat qu'est la Pro A. Voilà, donc on attend naturellement les premiers résultats du championnat avec impatience. L'SOMB, de son côté, eh bien, s'est imposé au premier tour de la Leader Cup à Lille, 78-77. Xavier Corosine et Alexandre Moisy eh bien, ont réussi une bonne maîtrise hein, de cette rencontre. L'entraîneur de Boulogne eh bien, attend son nouveau joueur avec impatience. Il est hollandais et on l'attend dans les jours qui vont arriver. On n'a pas joué encore une équipe de notre division, donc je suis impatient de rentrer sur les matchs amicaux qui est la Leader Cup. Enfin, c'est pas des matchs amicaux, mais pour nous, oui. Voir un peu pour se jauger un peu, voir si on est sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Parce que là, on a joué que des Pro A et des premières divisions belges, donc je suis impatient pour voir. Oui, il nous manque un joueur. Par contre, nous, ça va être il est important, notre joueur. C'est un international hollandais qui fait des magnifiques qualifications pour le championnat d'Europe, là, statistiquement. Donc, c'est un mec qui a de la création, c'est un mec qui percute. Mais je sais que c'est un garçon qui va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et il fera partie, là, je m'engage un petit peu en disant ça, mais je l'assumerai, il fera partie des bons, de très, très bons joueurs de la Pro B. Donc, si on arrive à bien l'intégrer, la doublette Teddy Gibson et Worthy de Jong, elle peut faire des dégâts. Voilà, donc on attend avec impatience la reprise du championnat. Et puis aujourd'hui a lieu à Longnes, hein, l'Open de Prénat à 13h30. Saint-Martin-Boulogne va affronter ASV Lille. Du côté du ring hockey, eh bien, ce week-end, on vous propose un tournoi international avec de grosses équipes. L'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse et bien sûr la France. Hier, le SCRA eh bien, a battu la Suisse de Duisberg, donc 2-0. C'était le dernier match hier soir, donc je vous rappelle le score 2-0. Réaction du gardien. Gardien Audomarois au micro de Quentin. Ça a été un match très fermé, ils ont défendu très bas. Nous sommes restés calmes et on ne fait pas d'erreur avec la balle. On va donner des contre-attaques et on va défendre très bien. Après, on peut avoir plus d'effectivité à les pénalties, à les coups francs. Et les résultats, c'est plus élevé. Mais je pense qu'on a joué bien et on est content avec le match. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes préparé pour la rentrée du championnat? Oui, je pense que oui. Et on fait à l'Allemagne un gros tournoi. On va gagner tous les matchs et ici on a fait 3 matchs et je pense que nous sommes bien, nous sommes préparés à les entraînements. On va très très bien, bon, je pense qu'on va très bien et je pense que oui, que nous sommes à fond pour la semaine prochaine. Voilà, donc après, naturellement, pour le championnat face à La Roche, gros match. Hein, il y aura du monde, à mon avis, pour découvrir cette nouvelle équipe. Très sympathique, très sportive, ça va bouger. Et puis, suite du tournoi, naturellement, durant tout le dimanche. Handball, première journée du championnat pour le HBLM à Neuville-en-Ferrain. Nette victoire hein, de Longnes, 44-20, sans suspense. La semaine prochaine, premier tour de la Coupe de France à domicile face à Grandfort. Allez, en bref, quelques rendez-vous à ne pas rater. Le Vital Sport à Saint-Martin-Boulogne, ça continue ce week-end. C'est sur le parking de Décathlon à Outreau, concours de pétanque. Portel, deuxième édition de la fête du sport et de la glisse à 16h. Le Crazy Dunkers, à voir, c'est extraordinaire. Et les joueurs de l'ESSM en dédicace. Et à l'occasion de la journée du cheval, plusieurs centres équestres de la région boulonnaise et puis de Saint-Omer vous proposent des portes ouvertes. Et aujourd'hui a lieu le 70e Grand Prix d'Isberg. À suivre, bien sûr, le Calaisien Steven Tronet. Il était notre invité il y a quelques mois dans les Sport News. Merci de nous suivre chaque week-end. Tout de suite, retour à la musique. Bon week-end. Il est 11h09 sur Énergie. Bon week-end. C'est parti. Sport News. Toute l'info sportive du Nord Littoral avec JF. Sport News vous a été présenté par votre agent général AXA Assurance Bertrand d'Ambricourt, place Foch à Saint-Omer. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la

say N-A-E-C-K Nikki, Nikki, Nikki, yeah. Saga White Black La Industria Inc. Les réactions et commentaires à chaud, c'est dans les Sport News. Et nous allons terminer avec nos deux derniers invités de ce matin, Lucas Demey et Henri Potvin, tous deux joueurs du SCRA, les U17. Ils ont remporté eh bien le podium, la troisième place du podium, médaille de bronze donc avec l'équipe de France en championnat d'Europe de rink hockey, orchestré bien sûr par l'entraîneur Fabien Sabreux, que vous retrouvez dès samedi prochain face à La Roche-sur-Yon avec sa nouvelle équipe à découvrir, parce que je peux vous dire que j'ai découvert cette équipe avant tout le monde. On peut dire que c'est vraiment une très très bonne équipe cette année. Vous le verrez naturellement face à La Roche-sur-Yon. Dès samedi, je vous propose de retrouver Lucas Demey et Henri Potvin. Bah oui, pour la deuxième année consécutive, médaille de bronze à l'Euro avec l'équipe de France. Qu'est-ce qui a fait cette différence par rapport au championnat? Il y avait une envie de terminer sur le podium? Bah, il y avait surtout on avait un petit gabarit, mais sauf que on a su faire la différence avec la tactique, la vitesse. On a su aller vite, quoi. Pour toi, c'est pareil? Il y a une volonté de terminer sur le podium? Une très grosse volonté. Pour moi, ça a été ma première année en équipe de France. Du coup, je suis très fier d'avoir fini sur le podium. Vous allez entamer le championnat. Il y a un objectif prévu? Au moins jouer un match avec la N1, ça me suffirait et je serais très content. Nouvelle équipe également en équipe première. Est-ce qu'on peut dire cette équipe? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui l'avez vu jouer à mon avis plus que moi? Bon, on a un très gros potentiel. Je pense qu'on peut aller très loin. Ça veut dire qu'il y aura du résultat par rapport à l'année dernière? Oui, je pense. Avec une équipe un peu meilleure que celle de l'année dernière, avec des joueurs avec de très grands potentiels. Tu dis un peu meilleur. Meilleur ou un peu meilleur? Meilleur. Je pense. Toi qui connais les joueurs, il y a de bons joueurs qui vont se défendre, à mon avis, sur la piste. Oui, comme Jacobo en attaque. Il est très habile avec la balle. Avec Duarte et Marcos, ce sont de très bons joueurs qui font bien tourner de la balle. Pedro dans les cages a un très bon niveau. Il vient de la Liga portugaise, un très grand club. Il joue à Lisbonne. Et les joueurs comme Marçal, Tony, qui vont apporter un plus. Comme Tony devant la cage, qui va essayer de marquer plus de buts que la saison dernière. Pour toi, il y a un joueur qui t'a semblé extraordinaire? C'est Jacobo aussi. Jacobo est très habile avec la balle. Allez, on vous souhaite bon championnat. Merci beaucoup. Voilà, donc on les retrouvera tous ces joueurs. Ce sera samedi prochain à La Roche-sur-Yon. Vous nous invitez également à participer à l'émission. Vous pouvez nous contacter au 03 21 38 17 17. 11h33, tout de suite, retour à la musique sur NRJ. Bon week-end à tous. Salut, c'est Gaël Kerin, champion du décathlon, j'écoute les Sport News sur NRJ. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la foi de trop. I should have gone home. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Pourquoi chaque fois je détruis que j'ai de plus beau? Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Should've left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. I should've gone home. We'll be right back.

en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. Smokers. Midi, le week-end, place au sport. Et c'est déjà fini. Eh oui, ça va carrément, on va dire. 11h50, c'est la fin de l'émission. Pas grave, hein, parce qu'on va se retrouver dès samedi prochain, 10h, 12h, pour une nouvelle page de sport. Si vous voulez participer à l'émission, que vous habituez Saint-Paul-sur-Ternoise, Béthune, Dunkerque, Saint-Omer, ou alors Boulogne-Marquise également, eh bien vous pouvez nous appeler au 0321 38 17 17 durant la semaine, nous présenter votre club, il n'y a aucun problème. Vous serez toujours les bienvenus dans les Sport News. Merci de nous avoir suivis, merci Quentin pour la technique. Rendez-vous, eh bien, samedi prochain, 10h, 12h. Passez une bonne semaine. N'oubliez pas quelques rendez-vous. Tournoi de Coquet à Saint-Omer au Brocus, tournoi également pour dans d'autres villes, des tournois de basket. Il y a également eh bien, le Vital Sport qui continue à Saint-Martin-Boulogne sur le parking de Décathlon. Et puis sachez également eh bien, qu'il y a la fête du sport au Portel avec le rendez-vous des joueurs de l'ESSM et puis les Drunkers qui viendront vous faire une exhibition. C'est génial, allez-y, c'est au Portel. Merci de nous suivre chaque week-end, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à très bientôt sur Énergie. Bonne semaine à tous. Que faire de tout ce qu'ils disent? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier.

que 40 minutes. 40 minutes de hits sans s'arrêter. C'est énergie. Énergie. Énergie.